A continuación veremos nuestra presentación acerca del software libre en la educación, en la asignatura P24, Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Aux jeunes enivrés par la société, déboussolés et scellés, ne sachant pas où donner de la tête pour l'avenir. Et tu es prêt, tu lèves de la fête peut-être, mais auras-tu une part de la galette? Éduqué, conditionné par l'école et la télé, devant tant de culture questionnée, marginalisée ou singulière.